Ah, mais mes amis, j'étais encore canois hier soir. Une chouille. Ah, une fiesta digne de mes plus belles séances d'humiliation. Alors, histoire de faire plaisir, j'ai emmené mon cousin Gunther le barbare à cette fiesta. Y avait tout le monde. Ouh, quelle ambiance. Ah, ouh, on est bien là. Salut, bon... Bonsoir. C'est une bonne idée d'avoir invité les putes. Tarantino. Ah, c'est les deux grognasses du film de Tarantino. Encore mieux, on paye pas. Mais la pipi. Oui, bon, bah, va faire pipi, Gunther. Moi, je vais au bar. Non, aux toilettes, Gunther, aux toilettes. Pas sur Monsieur Tarantino. Oh. Ah, mince. Yes. Ah, en même temps, ça a l'air de lui plaire, hein. D'accord. Oui, bon, bah, vas-y, termine. Finis sur Monsieur Tarantino. Oh, merde. C'est l'autre des chiennes de garde au bar, là. Oui, bon, ça va, ça va. Oh non, hey, c'est bon, Isabelle, c'est bon, ça va, calme-toi. Bon, si c'est ça, moi, je vais faire un petit tour dans les pièces d'à côté. Ah, oh. Pas mal. Si c'est pas de la musique de salope, ça. Oh, bonjour, toi. Mais c'est joli comme tenue, les tongs et le string assorti. Si je suis producteur? Non, mieux que ça, ma loutre. Je suis chroniqueur à Oui FM. Si je connais Didier Porte? Oui, je connais Didier. Il est cool, mais sans plus, tu sais. Tu le trouves super drôle? Ouais, ça dépend. Si je connais Christophe Crenel. Ah, mais bien même, hein. Tu sais, dans le showbiz, c'est important d'avoir son quota d'amis homosexuels. Si, si, c'est vrai, je t'assure, Christophe est homo, hein. Un vrai troupeau de tarés à lui tout seul, le cri-cri, hein. Si je connais... Oui, bon, mais ça va, maintenant, tu commences à me gonfler la musaraigne. Je te demande si tu connais Evelyne Delia, moi. Tu la connais? Elle est là, elle est à Cannes. Non? Bon, ben, casse-toi, là. Tu sers à rien. Oh. Oh, putain, c'est pas vrai. Merde, Emmanuel Béard. Que faire? Ah oui, je vais la refiler à Gunther. Gunther! Gunther! Femelle chaude, mon cousin, femelle chaude! Ah, le voilà qui arrive. La fifille. Tout doux, le Gunther, tout doux. Manu, je te présente mon cousin Gunther. Salut, Gunther. Est-ce que tu... À poil. Gunther, un peu de tenue, enfin, remets ton slip. Non, non, c'est bon. Si c'est bon, moi, je vais vous laisser, alors. Humiliation. Et voilà, Gunther s'est fait plaisir. Moi, ça m'a débarrassé, et j'ai fini la soirée dans la suite de Tarantino, avec des membres de l'association du collectif PAC. Attention, hein, PAC, ça veut pas dire politique agricole commune, hein. Moi, je passe pas mes soirées avec des pecs. Non, là, PAC, ça veut dire pute, alcool et cocaïne. C'est pas la même ambiance, Christophe, hein. Bon, je vous laisse, j'y retourne, la soirée est pas terminée. Oh. Ah bah oui, j'arrive, Quentin, j'arrive. Oh, au Wiedersehen.